Yippie-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Amis et amis cinéphiles, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Transmission, la 40e de Transmission ce soir. Donc Transmission, c'est quoi? La table ronde qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. On est très heureux, c'est un peu notre rentrée, on est très heureux de se retrouver en direct, comme on dit, même si nous respectons les distances de distanciation sociale entre nous. Enfin, vous n'êtes pas là pour le vérifier. Mais donc, nous sommes contents de nous retrouver vraiment ce soir en pleine assemblée. Manuel Haas, comment vas-tu? Très bien, Olivier. Ça va, les amis? Julien Rombaud. Très bien, merci, merci. Et enfin, Lucien Alflans, notre envoyé de Liège. Ça va super, et vous, les gars? Mais très bien, merci, merci, même si ce soir, le programme n'est quand même pas à la hauteur d'une rentrée fanfaronnante, hein, y a pas de quoi fanfaronner, puisque nous allons bien sûr parler du film événement, de la rentrée, et quelle rentrée, puisque donc, c'est vraiment le post-confinement. Bien sûr, je parle de Tenet, le film de Christopher Nolan. Et puis, nous parlerons également de A Girl Missing de Koji Fukada. C'est un film qui est sorti en France sous le titre de L'Infirmière. Juste deux films au programme de ce soir. Mais mes amis n'ont pas désiré en inscrire davantage. J'avoue que le Fukada est mon choix personnel. Donc, on va voir si je vais me faire détester à la fin de cette émission ou pas. Voilà, vous savez que nous avons... coutume de commencer cette émission par un petit jeu cinéphile. Donc ce soir, le jeu s'appelle Joue-la comme Nolan. Alors vous savez qu'il fait des films high concept. Malheureusement, le problème peut-être, c'est qu'il n'arrive pas à les faire trop vite comprendre. Mais donc vous allez devoir relever ce défi. Je vais vous donner un papier et vous allez avoir 8 secondes et 3 mots pour faire deviner aux autres de quel film il s'agit. Attention! Pas de nom d'acteur, ni le nom du film, bien sûr. Donc vous avez 3 mots, 8 secondes. On commence par Lucien Alflans, qui est volontaire. Polar. Nord. Insomnia. Ouais. Bien vu. Deuxième candidat, Manuel Haas. Manuel Haas, c'est parti. Un rêve, dans un rêve, dans un rêve. C'est Inception. Inception, putain. T'as un peu triché. Julien Rombaud. Premier. Following. Ah ouais, Following. Bah, je me plante alors. Il s'agit de Memento. Ouais, je croyais que c'était Memento. Oh, monsieur Julien Rombaud, vous avez échoué. Mauvais point. C'est à toi, t'es prêt? Top. Espace. Interstellar. Yeah! L'espace. Ce jeu nous permet d'avoir cité quelques films de Christopher Nolan, donc je n'aurai pas à le faire dans le pitch qui va se dérouler tout de suite après l'extrait. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too. Use it carefully. C'est bien sûr le grand film attendu de la rentrée, le blockbuster à 250 millions de dollars, censé ramener le public dans les salles de cinéma et sauver le 7e art. On salue ici bien sûr la Warner et Christopher Nolan de prendre ce risque, surtout que c'est un film qui ne fait pas partie d'une franchise et qui ne compte pas à son générique de star de premier plan. Parce qu'en fait, la vraie star de Tenet, c'est qui? C'est son auteur-réalisateur, bien sûr, Christopher Nolan, dont c'est ici le 11e long-métrage et le 2e de suite qu'il ne co-écrit pas avec son frère Jonathan. Encore une fois, le récit de Tenet est émaillé de jeux temporels, donc de jeux sur le temps, puisqu'il compte l'histoire d'un agent slash espion slash type trop fort qui est chargé d'arrêter un trafiquant d'armes russe qui menace de détruire le monde. En gros, c'est ça. Ok. Le protagoniste est interprété par John David Washington, qu'on a vu dans Black Klansman de Spike Lee. Il fait équipe avec Robert Pattinson et aussi Elizabeth Debicki, qu'on a vu dans Les Veuves de Steve McQueen, qui, elle, joue la femme du grand méchant interprété par Kenneth Branagh. C'est la troisième collaboration de Christopher Nolan avec le chef-op Oite von Oitema, après notamment Interstellar en 2014 et Dunkerque en 2017. Et changement dans l'univers nolanien. Hans Zimmer, musicien qui a participé à l'avènement du style Nolan pour le meilleur et pour le pire, cède ici sa place au compositeur Ludwig Göransson, qui a apparemment travaillé sur Venom, Black Panther ou la série The Mandalorian, apparemment parce que je n'ai vu aucun de ces trois titres. Et qui est vachement plus dans la mesure. On reconnaît tout de suite la finesse d'un autre compositeur à l'accompagnement de Nolan. Très bien, Lucien, puisque tu vas commencer sur le film, tu enchaînes. Je sais qu'on dit toujours qu'on évite de faire des formules, mais là j'en ai une toute préparée pour Tenet. Pour moi, ça aurait pu être ça aurait pu être sympa comme un mauvais James Bond s'il n'y avait pas eu toute la théorie, s'il n'y avait pas eu le boulard de Nolan autour, qui se sent obligé de faire en effet de tisser une théorie, un principe, un Tenet comme le dit le titre, qui est très littéralement un début, une fin, qui sont donc les mêmes, mais qui n'ont absolument aucun sens. En fait, pour être tout à fait franc, ça fait, je crois, peut-être 6-8 mois qu'on n'a pas vu ce type de production au cinéma. Donc, je mentirais en disant que je n'ai pas eu une fascination à certains moments devant l'écran de cinéma à voir ce type de spectacle-là. Mais ça tient à chaque fois sur quelques secondes. Et puis, il y a un vrai problème, je pense qu'on va en parler juste en termes de plaisir de spectateur, c'est que Nolan n'a jamais su, et je pense ne saura jamais, Nolan a des qualités, elle ne se trouve jamais dans sa mise en scène, dans ses chorégraphies des scènes d'action. Et le problème ici, comme le film est construit comme un palindrome, on y reviendra, c'est que les scènes chiantes, on se les tape deux fois. Quoi, en gros, je pense à un crash d'avion qui est vraiment une platitude absolue. Peut-être petite chose à sauver. Moi, j'ai trouvé. Il y a probablement des choses à sauver, mais j'ai trouvé. De Biki, malgré la... Enfin, c'est une actrice que j'ai envie de suivre, malgré la platitude de son rôle. Qui est assez magnétique, en effet. Et j'ai trouvé Pattinson plutôt pas mal. Après, le fils Washington est charismatique, mais moi, je vois son père mais tout le temps. Quoi. C'est presque gênant, je trouve, dans les mimiques, la manière de se poser. Et même, chose à noter, je pense que c'est la... Je m'avance peut-être, je n'ai pas vérifié ce que je veux dire, mais il me semble que c'est la première fois que Nolan bosse seul au scénario. Non, Dunkerque, il avait déjà écrit le scénario tout seul. Mais ici, j'ai l'impression de voir du sur-Nolan. Quoi. Vraiment, c'est-à-dire c'est du Nolan, tous les curseurs poussés à fond, avec ce que ça a de peut-être de mieux sur certaines choses et de pire sur d'autres. Entre autres, les dialogues que doivent se fader certains personnages qui sont franchement, mais c'est chaud quoi, vraiment. Tu te dis, mais pour le coup, pour revenir à notre ancienne punchline d'émission, ça vole pas plus haut que certains mauvais films. Je parlais de mauvais James Bond tout à l'heure, que certains mauvais films de Van Damme. Ouais, après, Lucien, quand tu dis que ça vole, ça serait que le film serait sympa si c'était à la rigueur un mauvais James Bond, je suis pas vraiment d'accord. À la rigueur, ça serait sympa si c'était un bon James Bond, mais un mauvais James Bond, ça fait un bout de temps qu'on s'en tape et on pourrait se les épargner. On sait très bien que Nolan a toujours voulu ou a gravité, est fan de la franchise James Bond, n'en réalisera pas parce que ça fait pas partie de son univers, mais tu sens qu'il y a une attirance pour ce genre là et je trouve que ça marche par certains aspects dans le film. Après, je vais essayer d'être un peu mesuré sur le film parce que je trouve que c'est un film qui est, dans sa réception critique, je trouve assez polarisant. Il y a vraiment un aspect de rejet absolu et ou alors encore une sorte de fascination à décrypter, mais qui, à mon sens, n'est pas forcément le truc le plus intéressant qu'il y a dans le film. Le film te pose beaucoup de questions tout du long et beaucoup de questions à la fin, mais c'est aussi un peu son problème. On a l'impression qu'il s'en fout aussi. Ben pour moi, Nolan, je m'inscris en faux par rapport à ce que disait Olivier, c'est que je trouve, au contraire, il réussit assez bien ses expositions, ces films. C'est souvent quand il doit après réaliser ce qu'il t'a exposé au début, qu'il commence à pêcher par ses limites de mise en scène. Là, pour le coup, c'est un film où je trouve... Son exposition est catastrophique. Tu as une heure d'exposition où tu ne comprends strictement rien. Tu as des scènes où le personnage arrive, il se confronte à Michael Caine, qui lui explique une histoire de tableau. Tu dis, bon, ça va être simple. Et non, on te rajoute un truc, t'embrouiller, c'est pas un vrai tableau, c'est un faux, etc. Tu ne pipes rien au film. La toute première scène, par son immersion et par sa mise en scène, fonctionne, je trouve. Mais après, c'est sûr que l'exposition des personnages et comment ils sont présentés, très vite, on... C'est... Alors, moi, j'ai fait le choix. Effectivement, le film arrive à un moment où on a été un peu... sevré de ce type de blockbuster, et il faut dire que quand même c'est un blockbuster beaucoup plus réjouissant que les merdouilles Marvel qu'on se tape par kilo de 15. Mais au-delà de ça, on n'a pas fait avancer trop le chemin public sur ça. C'est très paradoxal parce qu'on sent que Nolan a envie de lâcher un petit peu le côté cérébral qu'il peut y avoir dans son cinéma pour se laisser aller à l'action. Le problème, c'est qu'il est limité par, à mon sens, ses qualités de mise en scène. Il n'a pas une mise en scène chorégraphique, et donc dans le cinéma d'action, c'est problématique. Ces scènes, en fait, ce ne sont pas des mauvaises scènes d'action en tant que telles, mais elles reposent sur une idée. Une idée qui est sympa, la course de voiture, un petit détail dans le rétroviseur, la scène de confrontation, qui n'est pas vraiment une scène d'action, la scène de confrontation avec le méchant dans deux pièces séparées par une glace, avec un impact dans la glace et un résidu de sang. Il y a souvent, ce qui prédomine dans le plaisir que tu as sur la scène, c'est une idée, mais l'exécution de la scène, c'est pas ça, quoi. Il y a aucun sens chorégraphique, et c'est ce qui fait qu'en fait, à la fin du film, je me dis, bon, en fait, j'ai pas envie de revoir le film, parce qu'en fait, j'ai pas du tout de plaisir, vraiment, à me dire, faut absolument que je revoie cette scène d'action, elle est absolument kiffante. Là, au final, c'est assez terne. Non, si, assez... si tu revois le film, c'est pour essayer de le comprendre, et il est impossible à comprendre, je pense. Mais je pense qu'il est il est bourré en plus d'incohérences. Il y a vraiment une volonté de mal exposer les choses ou de les rendre très peu claires tout du long. C'est de l'enfumage. Il y a un peu d'enfumage. Il y a vraiment une volonté de rendre les choses le moins claires possible dans son exposition. Et donc moi, c'est pas vraiment une qualité, parce que pour le coup, je pense que quand tu vas le revoir, tu vas te rendre compte tous les effets de manche qu'il te fait pendant toute son intro. Juste pour appuyer un truc que tu viens de dire sur son manque de maîtrise chorégraphique des scènes d'action, et tu parlais de ce qui est pourtant pour moi une des meilleures scènes d'action du film, en effet la poursuite en bagnole et l'espèce de braquage du... Oui, c'est surtout la partie braquage qui est amusante et très lisible. Mais qui est très lisible parce qu'il revient 5 ou 6 fois avec un top shot au-dessus pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe. Parce que si t'as pas ces plans-là, tu es totalement perdu, tu sais pas ce qui se passe. Oui, mais je préfère à la rigueur qu'il me fasse ce plan obvious, et qu'à un moment il me clarifie les choses que ce qu'il me fait dans la scène finale. Il me dit clairement, je vais t'aider. Il y a une équipe qui va avoir un code couleur rouge, une autre équipe qui va avoir un couleur bleu. Je me dis, chouette, on va pouvoir se repérer. Il a pensé un petit peu en amont sa mise en scène. Alors que c'est déjà un peu plat. Alors déjà, tu as le souci de chez Nolan, c'est pas un grand réalisateur visionnaire, donc ce qui fait que la scène d'action, tu as les mecs avec des costumes marrons dans un décor hyper terne. C'est marron sur marron sur marron. C'est pas très excitant. Et les codes couleurs, au bout d'une seconde, tu les as oubliés, tu sais pas qui est qui. Et donc, en fait, le côté jouissif que tu pourrais avoir, parce que le concept en lui-même est extrêmement jouissif, tu l'as pas. Ce qui fait que l'enjeu final, l'enjeu dramatique qu'il y a autour du personnage de Pattinson, il est bézef. Ouais. Tu le comprends à la toute fin du film. Il est annihilé. Tu le comprends juste au moment où, en fait, Pattinson te l'expose. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, en fait, ce code couleur bleu-rouge, c'était pour me faire le lien avec les séquences de début et le personnage de Pattinson. Putain, c'est foiré parce que j'ai rien compris. C'est aussi pour aller ratisser les gamers de Call of Duty. C'est vraiment une idée qui vient directement de là, quoi. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas appuyé par la mise en scène. Et je veux dire, carrément pas. Ouais. J'entends tout à fait que je sois trop débile et que le film soit trop intelligent pour moi. Sauf que pour moi, c'est vraiment des problèmes de narration. C'est juste qu'il est mal raconté. Clairement, je suis complètement d'accord avec ça. Julien, tu veux... Ouais, je vais continuer dans ce qui est dit, mais c'est vrai que moi, ma petite punchline à moi, c'est qu'à un moment donné dans le film, quelqu'un dit « tu ne comprends rien à ce que je dis », et l'autre lui dit « non, mais ça a l'air très important ». Et pour moi, ça résume le film aussi, c'est-à-dire que vous en avez suffisamment parlé, il y a une espèce d'enfumage et de cérébralité. Alors, j'espère que c'est pas que de l'enfumage. J'aimerais bien en fait le suivre et comprendre ses rouages, ses subtilités, le foisonnement qu'il y a dans le film, qui a l'air d'être dans la tête de Nolan. Est-ce que ça l'est réellement ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il me semble qu'il faillit à sa principale mission, enfin en tout cas à la mission que j'attends moi d'un film pareil, c'est de rentrer dedans et de rentrer dans l'image, de rentrer dans les actions, de rentrer dans le film. Et ça, je n'y vais jamais. La première scène, comme je le disais tout à l'heure en petite intervention, elle je comprends pas tout, mais je suis immergé. Tu veux dire à l'opéra, la scène à l'opéra, je suis immergé dans ce qui se passe. Mais après, effectivement, je ne rentre jamais parce que émotionnellement, je trouve qu'il y a rien qui nous rattache au personnage. Les dernières 45 minutes, quand il s'agit de sauver un petit peu la femme, je trouve qu'il se passe quelque chose, mais avant... Mais elle n'existe pas, ce personnage. Mais pourtant, il l'essaye. Hein. Dieu sait qu'il l'essaye. C'est un personnage qu'on voit beaucoup, qu'on voit vraiment beaucoup, mais à aucun moment il prend. Et en fait, c'est vrai que la seule chose qu'il a fait exister... Et il en fait à la clé de son récit. Presque. Elle existe seulement, je crois, par son magnétisme, par le fait que ce soit une bonne actrice lumineuse. Tu donnes le même rôle à je sais pas quelle pop star, c'est juste c'est le néant quoi. Ouais, et là pour finir j'ai l'impression qu'on est avec elle, qu'on a envie, mais effectivement il n'y a pas les clés avant qui sont mises pour que on la suive. Mais je pense que le souci qu'il y a autour du personnage de Debicki, c'est qu'il est encore un effet de manche un petit peu de Nolan. Il y a toute cette question sur qui est le personnage potentiellement de Pattinson dans une timeline du film. Et il est lié à Debicki, et tu sens que c'est tout un des gros enjeux en ce moment sur Internet et de la théorie vis-à-vis du personnage de Pattinson et de la relation qu'il pourrait avoir avec Debicki. Et en fait, tu te dis, si ce personnage il est aussi peu développé, mais suffisamment pour que tu aies intéressé, c'est qu'en fait, il est juste là pour te développer ce petit effet que tu auras sur le personnage de Pattinson, mais en tant que tel, il n'existe pas vraiment. Mmh. Il est là pour tapater sur l'échiquier de Nolan, mais c'est pas un personnage en tant que tel, quoi. Non, mais c'est typiquement un film où on se dit juste, ok, qu'est-ce qu'on a vu, tu vois. Et j'aimerais bien m'abandonner à parce que là aussi, il est dit plusieurs fois dans le film, il est redit, n'essayez pas de comprendre au tout début. On a envie de se laisser aller, mais... C'est pas con ce que tu dis, en fait. Alors, c'est peut-être un principe, mais de demander, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans un film. Quand t'en sors, qu'est-ce qui fait que tu aurais éventuellement envie de le revoir ou qu'il va rester avec toi ? Ça peut être en effet un plaisir direct, ça peut être un plaisir visuel, ça peut être un propos qui t'a parlé. Et en fait, le film est un peu tiède sur tout. C'est vrai. Mais par exemple, tu vois, au début du film, t'as la scène avec Léonce Poésie où elle dit, tu dois pas avoir la balle, tu dois la ressentir. Ouais. Tu dois pas te poser de questions, tu dois ressentir... Et en fait, mais que dalle. Enfin, je veux dire, ça te promet un truc sur le film, mais que dalle. Mais c'est surtout, je sais pas si vous avez eu le même sentiment sur cette scène-là, c'est qu'en plus, je ne comprends pas ce qui se passe à l'écran, moi. Elle lui dit, grosso modo, tu ne peux pas la rattraper parce que tu ne l'as pas jetée, mais je vois pas le plan où il la prend, où il... Non, mais je vois toujours sa main au-dessus du truc, et donc, en fait, elle m'explique quelque chose que je ne comprends pas. Je me suis fait exactement la même remarque. Et je me dis, il y a déjà un souci. Ce qui m'est annoncé dans les dialogues ne se concrétise pas à l'écran et je ne sais plus où me situer. Ce qui me titille, disons, fondamentalement, c'est que dans le côté alambiqué, les voitures à l'envers, tout ce bordel, hein, parce qu'il y a quand même un gros bordel dans le film, quelque chose qui pourrait être presque drôle, jouissif, ludique, et pourtant c'est très plombant, très sérieux. Alors, au moins, il y croit, lui, je crois, qu'il y a un aplomb, une audace, tout ça, il y va à 200%. Et c'est pour ça que finalement, j'ai pas de haine pour le film. Ou que... Rien que le film existe, c'est un peu dingue. Hein, mais ouais, mais par contre, ce côté... Alors, il veut faire un grand film, c'est très louable, évidemment, mais à chaque plan, à chaque scène, il essaye de nous envoyer cette poudre aux yeux, et tout ça avec un esprit où je vois très peu d'ironie. Or, il me semble que le propos pourrait s'y prêter. Mais toi, tu parles d'ironie, moi, je parle aussi de ce que Manu rappelle souvent, qui est l'incrédulité. Suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité. Un des problèmes fondamentaux, enfin, vous avez très bien parlé du film, hein, je veux dire, le côté enfumage, on te fait tourner la tête de dialogue hyper sérieux, machin, pour te montrer que c'est hyper sérieux et que t'es trop con pour comprendre. Mais en fait, le truc, c'est que juste, il s'est très mal raconté ses concepts et après, surtout ici, il s'est très mal les exploiter, quoi. Donc, le film devient complètement illisible dans sa dernière demi-heure. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je ne comprenais plus rien de ce qui se passait. On n'est pas aidé par la mise en scène, en effet. Mais en plus, pourquoi est-ce qu'il est sur ce côté si sérieux ? Pourquoi est-ce qu'il se dédouane comme ça sur ce sérieux ? Pourquoi est-ce qu'il se donne cet air scientifique, machin ? Oui, attends, j'ai étudié, je sais plus que toi, machin. Alors que le spectateur, il peut très bien, si on lui expose des règles de voyage dans le temps, par exemple, claires, il peut très bien accepter un truc idiot pour vivre le film à fond après. Mais sauf que là, c'est pas du tout bien expliqué. Et en plus, il essaye de s'en dédouaner tout le temps. Ce qui est paradoxal, parce que justement, Nolan, dans ses précédents films, a justement souvent peut-être surligné ses expositions et ses concepts. Et on peut pas dire qu'il était évasif sur ça. Je suis assez souvent étonné par exemple sur un film comme Inception, que les gens ne te disent j'ai pas compris, le film est extrêmement compliqué, alors que le film surligne souvent ce qu'il a à dire, c'est peut-être même son défaut, mais au moins il est compréhensible. Ce qui est très paradoxal, c'est que dans Tenet, tu sens qu'il y a une volonté, beaucoup plus que dans tout le reste de sa filmographie, de faire un film où il y a un lâcher-prise. Et ce que tu vois, toi, Julien, comme un défaut, qui est cette discussion avec Clémence Poésie, où elle lui dit « mais ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous aller, entre guillemets. » Feel it. Moi, je me dis « pourquoi pas ?» Je me dis, si la proposition du film, justement, c'est de lâcher un petit peu tout cet ancrage un peu pesant du cinéma de Nolan, pourquoi pas, je me dis, et qui se laisse aller à faire du cinéma d'action. C'était un peu l'attente que j'avais. Et moi, j'ai essayé aussi. Hein. Je l'attendais sur ce terrain-là. Parce que notamment, on a aussi beaucoup glosé sur le fait que pour une fois, il y avait un renouvellement dans ces scènes d'action. Et au final, ben, c'est quand même malgré tout là que mon plaisir pêche. C'est-à-dire que oui, le fait que tu aies une timeline inversée et que les choses se passent avec des combats qui se passent à l'envers, avec deux temporalités inversées, un aspect intéressant dans les chorégraphies, mais tu sens dans les chorégraphies à deux. Dans la chorégraphie finale, pas du tout. Mais le problème, les problématiques, c'est que tu te dis, mais qu'est-ce que j'aimerais voir ça dans les mains d'un vrai cinéaste d'action. Tout le souci du film, c'est qu'à la fois, là où on me demande de lâcher prise et d'apprécier le spectacle, ben je vois en fait les limites de Nolan. Et ça me fait chier en fait de dire ça, parce qu'en fait, c'est pas un film moi qui m'a déplu. J'ai pas foncièrement de haine vis-à-vis du film. C'est juste qu'à la fin du film, je me rends compte qu'il ne va pas m'en rester grand-chose par la suite. Et que ce n'est pas un film que j'ai envie de revoir ou réinvestir comme dans la plupart des grands films d'action, en fait. Il te demande à tout instant, en effet, un peu de lâcher prise. Enfin, pas à tout instant, mais régulièrement de lâcher prise. Et paradoxalement, il est extrêmement, toujours dans son cinéma, extrêmement cérébral, cartésien. Mais il y a un côté très mathématicien. Mais ce qui est paradoxal, et en même c'est temps, il te demande de lâcher prise. Il est très cartésien sur, entre guillemets, son concept. Mais en fait, et ça, c'est volontaire. Il te donne qu'à moitié les clés. Il te rend les choses incompréhensibles. Mais je veux dire, il y a plein de films où tu comprends pas tout, mais où il déploie une forme de poésie ou quelque chose qui se passe. Tu comprends pas toujours chez tout, Lynch, mais... chez Tarkovsky, mais t'imagines Tarkovsky s'il était cartésien, ce serait l'enfer, quoi. Je veux dire, mais vraiment, alors que ce qui se passe, c'est qu'il y a une émotion qui passe, il y a un truc, il y a une poésie, quoi. Et Nolan en est totalement privé. Du coup, il te demande à la fois, en effet, de lâcher prise face à une énigme mathématique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est pour ça que je parle souvent d'impliquer émotionnellement. Parce que le spectateur, il accepte tout s'il est impliqué émotionnellement. Et je trouve qu'ici, typiquement, on ne l'est jamais. Il essaye de le rajouter, mais il échoue complètement avec le personnage d'Elisabeth Debicki ou avec le personnage de Pattinson à la fin. Quand Pattinson sorte... Bon, je suis désolé, on spoil comme des cochons, mais Pattinson, quand il sort ce discours à la fin... Tu te dis, ah merde, il fallait que j'aie vraiment un affect en fait. Il y a vraiment un truc qui s'est passé, j'ai pas compris. Ah zut, alors l'affect émotionnel, c'est un échec moi, total. Moi, je me suis même demandé si c'était pas, si en fait, il parlait de quelque chose qu'on avait vu vraiment à l'écran. Moi, je me suis dit, ah, peut-être qu'il parle d'aventure en fait qu'on n'a pas connue, quoi, que c'est un truc vraiment. Et puis après, tu croyais que tu t'étais endormi pendant 10 minutes et que c'était de ça dont il parlait. Non, mais je me disais juste, il parle d'un truc, voilà, on a vécu une grande aventure, mais voilà, c'est pas montré dans le film, quoi, c'est autre chose. C'est un autre, il s'est passé autre chose dans notre bulle temporelle, tu vois. Et en fait, il parle bien de ce que t'as vu, sauf qu'en effet, dans ce que t'as vu, tu n'as rien vu de ce qu'il dit. Et c'est ça, et c'est là, effectivement, Olivier pointe un truc vraiment très juste par rapport au film, c'est que, en fait, le seul rapport que tu as au personnage de Pattinson du point de vue du personnage du protagoniste interprété par Denzel Washington, parce que le personnage n'a pas Denzel Washington, hein, c'est son fils. Il y a ce souci, en fait, que c'est du point de vue de ce personnage-là, le personnage de Pattinson est juste un personnage un petit peu suspect parce qu'il semble avoir un coup d'avance sur lui. Mais en fait, il n'y a pas de relation en fait, entre les deux personnages. Et donc, de facto, d'un coup, te poser une scène un petit peu émotionnel entre les personnages où tu le sens un peu impliqué. Là, il a les yeux un peu baissés. Je ne sais pas s'il pleure un petit peu, mais tu le sens concerné à ce moment-là quand Pattinson lui sort ça. Et en plus, moi, c'est un gros souci de cette séquence-là, au-delà même du fait qu'il me demande de croire à quelque chose que je n'ai pas vu pendant le reste du film. Me dire, si tu veux avoir cette émotion, il faut que tu revoies le film. C'est un peu ça le concept du film. C'est si tu veux revivre l'émotion des personnages, il faut que tu revoies le film. C'est comme ça qu'il va sauver le cinéma, en allant spectateur aille voir le film plusieurs fois. Ça, j'achète pas. Et en plus, il te sort une punchline, qui est peut-être la punchline la plus usitée de l'histoire du cinéma, qui est la fin de Casablanca, qui est it's the beginning of a beautiful friendship, c'est le début d'une grande amitié. Même si t'es pas cinéphile, elle est tellement passée dans le langage courant, usuel entre guillemets, que tu peux pas t'empêcher d'avoir un sorte de recul vis-à-vis de cette séquence-là. Et c'est un truc, je ne comprends pas comment d'un coup il te pose une séquence aussi obvious à ce moment-là du film, alors qu'il est en train de construire l'inverse. Comme on parle de la pop culture, sur les internets, comme dit Olivier, peut-être vous avez vu passer un schéma qui dit « si vous n'avez rien compris à Tenet, voici de quoi vous éclaircir », et on voit des trajets de personnages, il y en a trois qui se partent dans tous les... Enfin, je ne sais pas si c'est explicable parce que c'est très visuel, mais un labyrinthe infini de trajets où on voit qu'effectivement aucune trajectoire des personnages ne peut être comprise, quoi. Moi, j'ai vu des gens sortir de la séance en saignant du nez. C'était pour rigoler. J'ai vu beaucoup de gens, ceci dit, ça marche, j'ai vu des gens sortir qui disent « Ah, c'est un film qu'il faut revoir deux fois pour bien comprendre. » Mais paradoxalement, c'est ce que je me suis dit. C'est les gens bêtes. Tout le monde dit ça. C'est bête. Moi, je me suis dit, typiquement, je vais revoir le film pour essayer de me poser. Et puis, plus le temps passait, plus je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'avoir cette deuxième vision parce qu'en fait, il me reste pas grand-chose. Je le dis encore une fois, j'ai passé un bon moment, j'ai passé une bonne séance, j'ai pas été irrité par le film, mais il m'en reste peu, et trop peu, pour me réinvertir une nouvelle fois dans le film. Mais moi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'ai vu Mulholland Drive et 2001 10 fois, je les ai toujours pas compris. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème en soi de pas comprendre. Mais moi, le film m'a beaucoup ennuyé et j'ai un ressenti plus négatif que Manu. Et surtout, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais je trouve que, en plus d'être mal raconté, je trouve que le film n'est pas très, ne déploie pas un langage cinématographique très varié. Je trouve que les plans se ressemblent beaucoup. Il y a énormément de plans poitrine, c'est toujours la même taille de plan. Et je trouve que le montage ne change... le film va à un rythme qui ne varie presque jamais. Et j'ai trouvé le film vraiment très ennuyeux. Ouais, et puis même, moi, sur l'aspect, entre guillemets, technologique, c'est un film qui a été tourné en IMAX, 70 mm. Et pour le coup, en Belgique, on a été plutôt pas mal desservi, puisqu'on a une salle IMAX qui le projette en 2 x 4K au ratio du original du film, qui est du 1,43. Et ce que je disais auparavant, ça fonctionne pour des séquences... plus contemplative. Le côté globe-trotteur du film marche pas trop mal. Moi, je trouve que ça marche avec l'Italie, c'est tout. Le moment où il va rejoindre Debicki sur le promontoire, c'est vrai qu'en IMAX, et encore, je l'ai pas vu en 70 mm, donc je perds beaucoup en définition par rapport à une projection 4K. Mais j'ai jamais, par exemple, ce degré d'immersion ou de fascination que j'ai pu avoir dans Gemini Man. Pour le coup, c'est là où il y a un aspect peut-être un petit peu rétrograde de Nolan vis-à-vis de son attachement à la pellicule, c'est que cet aspect immersif, je l'avais paradoxalement dans un film qui était aussi pas le plus fou en termes d'écriture. Et, un peu bas du front. Un peu bas du front comme Gemini, mais qui en termes d'exécution, de proposition de cinéma, te faisait entrevoir le futur, là où je vois quand même un film un peu engoncé dans les limites du cinéma de Nolan. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé sur Internet, notamment, je crois que c'est le rédacteur-chef de Revue et Corrigé, de Tony qui Scott, qui a fait la comparaison avec le cinéma, à juste titre, avec le cinéma de Tony Scott est déjà vu. Et moi, je trouve que ça joue beaucoup en défaveur du film de Nolan, parce que toute la dimension géostratégique que tu pouvais avoir dans un cinéma de Tony Scott, tu ne l'as pas du tout chez Nolan. C'est hyper frustrant parce que tu te dis, en fait, j'ai déjà vu ça en mieux dans un film pas terrible de Tony Scott, parce que pour moi, déjà vu, reste un film assez mineur de la filmo de Tony Scott. Mais malgré tout, tous ces enjeux de film et l'action, Tony Scott, il n'avait pas son pareil pour ça. Là, Nolan, tu vois que il a envie d'aller vers ça, j'ai envie peut-être qu'il aille vers ça, mais il sait pas faire. En fait, tu me l'avais glissé avant la vision du film. Je t'avais inceptionné avec du Tony Scott. Absolument, et j'y ai pensé, j'ai en effet pensé beaucoup pendant le film, et en effet, au lieu de le voir à la défaveur de Nolan, j'ai préféré le voir à la faveur de Tony Scott, comme j'ai tendance à le faire régulièrement, en essayant de le réhabiliter, parce que c'est, je pense, un très grand cinéaste qui n'est pas toujours estimé à sa juste valeur. un peu dans l'ombre de son frère et d'autres. Enfin bon, bref, c'est pas le débat. Ouais, ça, c'est en train de changer les vases communicants au fur et à mesure des années. Hein. Bah, au fur et à mesure de la carrière de Ridley Scott qui continue. Ouais, c'est surtout ça. Bon, lâche ta casquette rouge et ton cigare, Lucien. Et merci pour cette belle conversation sur Tenet. On s'arrête là. C'est vrai que c'est un film qui fait beaucoup parler. Et on passe tout de suite à l'infirmière... pardon, A Girl Missing, puisque nous sommes en Belgique. Et tout de suite après l'extrait. Certains l'ont découvert avec Sayonara en 2015 ou Harmonium en 2016, qui avait reçu le prix du jury Un certain regard à Cannes. Koji Fukada est donc un scénariste, réalisateur, monteur et producteur japonais de 40 ans. L'infirmière est déjà pourtant son 9e long métrage, et oui. L'infirmière, ou A Girl Missing, pardon, A Girl Missing puisque nous sommes en Belgique, raconte la chute du personnage d'Ishiko, une infirmière à domicile qui se retrouve mêlée à la disparition de la jeune sœur d'une famille pour laquelle elle travaille. Le film est interprété par Mariko Tsutsui, qui était déjà dans Harmonium, et aussi Mikako Ishikawa, dans le rôle de Motoko, antagoniste principale du film, qui est la sœur de la jeune fille qui sera enlevée, et qu'on a pu voir, elle, dans The Third Murder d'Hirokazu Koreeda, dont nous avons parlé ici il y a quelques temps. Julien, tu souhaitais commencer sur le film de ce bon vieux Koji Fukada. Bon, il est probable que je sois influencé par la vision de Tenet, vue juste avant The Girl Missing. A Girl Missing. Vu avant A Girl Missing. Mais je trouvais qu'il fonctionnait justement un peu comme son antagoniste et un peu comme l'anti-Tenet, dans le sens où, là où on vient de parler du Nolan foisonnant et rempli, ici on a un film qui prend un seul thème, mais qui par contre l'approfondit, l'étire, le creuse et va vraiment au bout de son thème en le développant complètement. Et quel est-il ce thème, Julien ? Le thème, pour moi, c'est la vie d'une femme qui essaye de sauver son apparence, son boulot et sa vie en obscurcissant quelques pans de son identité et de sa vie passée. J'avais un peu peur d'être largué au départ du film, mais je trouve que justement, c'est un film qui, au fur et à mesure de sa vision, vient complètement s'éclaircir, gagne en épaisseur. Et je trouve qu'il est assez fort et assez remarquable dans sa construction et dans le jeu de domino qui déploie dans le sens où on a des éléments qui peuvent paraître anodins, comme une scène qui se passe au zoo avec une discussion a priori anodine du personnage principal qui explique qu'elle a une fois par curiosité et de façon complètement asexuée regardé le pénis de son neveu, revient à avoir un incident, voire un accident capital sur sa vie et sur ce qui va lui arriver ensuite. C'est une sorte d'effet papillon et en ça, je trouve que le scénario est assez intéressant. Et surtout, pour encore parler de Tenet, c'est un film qui, ici, laisse la place au spectateur et laisse l'espace. J'ai l'impression que je peux me glisser dedans et que je peux faire mon interprétation et non pas être sursaturé d'images et de messages. Tu n'es peut-être pas sursaturé d'images ou de concepts ou d'idées qu'on cherche à t'inceptionner. C'est un film qui, effectivement, contrairement à Tenet, qui fonctionne en ligne claire. Tu ne l'as peut-être pas dit, mais c'est un film qui fonctionne sur deux temporalités séparées, une temporalité qui se passe au présent et une temporalité qui se passe dans un temps antérieur. Et le film est assez malin et intelligent, pas petit malin, mais malin dans son écriture. Limpide. Oui, limpide, dans la manière dont il te fait comprendre assez rapidement sur des petites idées. Il y a un élément dans la séquence où elle se fait couper les cheveux, ou de manière assez bizarre, dans cette séquence d'intro, elle va se mettre à bâiller. Et très rapidement par la suite, tu vas voir cette séquence-là redoubler. Et tu vas comprendre que si elle fait ça dans la séquence de début, c'est que ce moment-là, on lui a appris auparavant. Et donc, tu sais très bien où te situer entre passé et présent. Pour le coup, c'est une écriture beaucoup plus limpide et beaucoup plus claire que dans Tenet. Après, je pense qu'il y a le même souci que chez beaucoup de films de Nolan, c'est que ça soigne son exposition, peut-être pas dans Tenet, mais ça soigne son exposition, mais la fin n'est pas forcément à la hauteur. et que c'est un film qui progressivement va pas de déception en déception, mais assez déceptif dans la manière où les personnages vont s'affronter au final. Donc on a ce personnage d'infirmière qui va se confronter à un personnage qui est amoureux d'elle, et ça va provoquer en fait sa chute. Et ce personnage qui est amoureux d'elle, qui est une jeune fille chez qui elle travaille, ben cette jeune fille, en fait, je trouve qu'elle est assez peu construite dans l'écriture du film. Elle est construite par des éléments de mise en scène, dans la manière de la cadrer, de jouer sur des effets de lumière, de cacher son visage par moments, pour te laisser suggérer qu'elle a un double jeu, qu'elle ne dit pas tout, etc. Mais ça me semble assez artificiel dans la construction entre les deux personnages, et que je suis en empathie vis-à-vis du personnage principal, qui débute comme un personnage plutôt manipulateur et finit comme un personnage plutôt manipulé. Donc tu as effectivement une empathie assez forte vis-à-vis du personnage, mais le personnage qui est face à elle est tellement peu construit comme beaucoup d'autres personnages du film, que c'est un film qui progressivement perd en intensité et laisse un goût un peu assez tiède en fin de projection. Je te trouve assez dur dans les mots utilisés, même si je te rejoins partiellement, mais il me semble que la mise en scène de Fukada fonctionne aussi dans le fait que justement ce personnage principal est vraiment le révélateur qui va permettre aux autres de réagir par rapport à elle. Donc en ce sens, ils ne sont pas très actifs, mais tu l'as dit avec la lumière et dans le cadrage, je trouve que déjà là-dedans, il y a des choses qui se passent dans son antagoniste qui est amoureuse d'elle, dans sa colère rentrée, dans sa colère, sa rancœur froide, etc. Et dans la façon dont elle regarde, dont elle agit, dont elle bouge vis-à-vis d'elle. Je trouve que quand même, on sent qu'elle existe et qu'elle n'est pas non-existante comme tu sembles un peu le dire. Et si, parce que regarde la confrontation de fin qu'il y a entre les deux personnages. Elle est très poussive, elle se retrouve face à un personnage... Tu parles de la scène de la voiture. La scène de la voiture. Elle se trouve confrontée au personnage qui a détruit sa vie. Et quand elle la découvre, ben elle exerce le même métier qu'elle a exercé auparavant, qu'elle ne peut plus exercer. Et c'est une facilité d'écriture à ce moment-là qui dessert beaucoup le film, parce que tu t'attends à un moment où ça culmine dans la confrontation entre les deux personnages. Et en fait, là, tu te dis... Là, tu es en train de me vendre une théorie, un concept, pas un truc à la Nolan, mais je veux dire, tu es vraiment dans de l'écriture très, très petit manuel de scénariste. Et c'est assez révélateur dans cette séquence de visite du zoo. Tu me dis que c'est assez bien amené, cette idée qu'elle parle de quelque chose assez d'anodin et qui va se révéler dévastateur. C'est bien amené par la bizarrerie et le mystérieux de la scène. Pas tant que ça, parce que le personnage de cette jeune fille qui est amoureuse d'elle est tellement surligné par la mise en scène et tellement peu construit dans sa relation fusionnelle vis-à-vis du personnage principal, que tu sais quand elle est en train de sortir ça, que ça va lui revenir comme un boomerang en pleine gueule. Tu sais, moi je sais pas ça. Moi je trouve que c'est tellement écrit. Pour moi, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là où le film, de manière très différente de chez Nolan, me montre un petit peu ses effets à l'avance. Je trouve que votre conversation explique en fait assez bien ma réception du film. Je trouve que c'est un film qui est assez intrigant, dans lequel j'ai envie de rentrer et qui pourtant ne m'emporte jamais vraiment. Et je ne savais pas mettre des mots sur pourquoi est-ce que ce film peine à m'emporter. Et c'est vrai que sans doute il y a quelque chose des rapports de domination de l'un et de l'autre qui ne se cristallise sans doute pas assez à l'écran, sans doute par la tiédeur du personnage de l'antagoniste Motoko, qui est aussi révélée par son jeu en elle-même, qui est quand même assez monocorde, assez sur une seule note. Mais pourtant, je trouve que dans le film, il y a régulièrement des très bonnes idées. En fait, le film, il est assez terne à regarder. L'image est très éclairée, comme ça, c'est assez, assez plat. Et pourtant, régulièrement, je trouve que Fukada, il a une espèce de petit truc en plus, une petite idée qui va introduire une étrangeté dans pas mal de scènes, que ce soit la scène du zoo avec le rhinocéros, que ce soit la scène juste après les accusations de pédophilie. Il y a une scène qui commence par un très très long plan sur le gamin dans une aire de jeu. Je trouve que ça fonctionne assez bien pour mettre le trouble, alors que c'est tout simple, c'est juste un choix de découpage. Il y a une scène qui fonctionne sur un aboiement au début du film. Mmh. Et je trouve qu'il y a régulièrement des idées qui introduisent quelque chose en plus que ce que tu vois au premier degré. Et je trouve aussi qu'il est assez doué pour certains trucs, notamment pour, en très peu de choses, en très peu de cadres, en très peu de relations, te montrer l'attachement que le personnage principal a à son travail. Il y a notamment des scènes où elle se retrouve, où genre, les infirmières font un dispatching, et c'est en très peu de cadres et très peu d'interactions, et pourtant c'est suffisant pour que quand Ichiko sera déchu de son boulot, on sente en fait le déchirement qu'elle a en elle. Yeah. Il y a une sorte de grammaire cinématographique et assez économiste, oui, et effectivement, ça tient à ce que tu dis dans le découpement. Et même dans la mise en scène, je trouve qu'il y a beaucoup de petites idées dont tu parles. La façon aussi dont, quand elle se retrouve au car wash, où elle a les yeux vides et que j'ai l'impression qu'elle est broyée, avalée par ce car wash. La façon dont elle subit beaucoup d'informations vis-à-vis de la télé, dont j'ai l'impression que ça raconte pas mal cette passivité qu'elles ont à subir ces événements et à ne pas avoir de prise dessus. J'ai l'impression que dans la mise en scène, il y a beaucoup de petites choses qui viennent sauver ça. Le défaut principal du film, c'est qu'il y a cette construction assez claire d'intrigue proche d'un thriller qui fonctionne assez bien, mais c'est que tu sens que le curseur de Fukada, il cherche à le déplacer beaucoup plus sur l'émotion de ses personnages et sur un portrait de personnage, et qu'en fait, ben, du fait d'avoir assez mal soigné l'antagoniste principal, ça fonctionne assez moyennement, parce qu'en fait, le côté entonnoir thriller fonctionne assez bien jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment tu te rends compte que c'est pas complètement ça qui l'intéresse, parce que c'est plutôt assez déceptif. La vengeance du personnage principal est déceptive, beaucoup de séquences de confrontation sont déceptives, et tu sens qu'il essaie de creuser ses personnages, et c'est effectivement très réussi vis-à-vis du personnage principal, où tu es en empathie totale vis-à-vis d'elle, mais qu'elle se confronte à la personne qui a détruit sa vie, ça ne marche pas. Cette séquence de fin ne marche pas, et elle ne marche pas parce que le personnage qui est face à elle n'a jamais été construit auparavant. Mais on est dans la tête de cette femme principale. Pour moi, c'est pour ça que son antagoniste, qui soit moins construit, c'est vrai, mais ça me dérange moins parce qu'on est vraiment projeté dans la, presque en première personne parfois, dans la tête de cette infirmière et dans ses agissements à elle. Et c'est pour ça que c'est un portrait. Là, je suis d'accord avec ça. C'est un portrait de personnage, mais je veux dire, du fait de le construire comme un thriller, à un moment, je suis désolé. Cette scène de fin, où elle se retrouve face à elle, prête à l'écraser en bagnole, est-ce qu'elle n'est pas déceptive pour toi ? Elle est déceptive, mais pour moi, elle raconte aussi la lâcheté et le fait de pas pouvoir agir, et que combien de fois on a envie de péter la gueule de quelqu'un et qu'en fait, on ne le fait pas. Bon, en tout cas, clairement, je trouve qu'il y a des problèmes dans l'écriture, il y a des problèmes par rapport à l'affect que tu as dans le film. En même temps, régulièrement, de nouveau, je me répète, mais il y a des trucs qui fonctionnent très très bien. Et bêtement, ce truc de coupe de cheveux fonctionne super bien, non seulement pour te situer, mais en plus, le personnage et l'interprète, qui est assez remarquable, est relativement asexué dans la première, enfin dans tout ce qui se passe dans le passé, alors qu'elle devient très sexy dans la temporalité au présent, et je trouve que c'est un truc qui fonctionne vraiment assez bien. Et dans la façon dont elle va chercher cet homme avec qui elle a une relation, c'est aussi une bonne scène qui fonctionne bien. Très bien, messieurs. Lucien ne l'a pas vu, donc voilà, nous continuons sans Lucien. C'est pas très grave. Donc voilà, un peu mesuré sur ce film qui, pourtant, je trouve mérite le détour, et je trouve que le réalisateur a un côté prometteur, même si il a du mal à passer la seconde, et peut-être que dans son écriture, parfois c'est un peu poussif. En effet. Merci, messieurs. On va passer tout de suite au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Messieurs, nous passons donc à la dernière séquence de cette émission, qui est dédiée au conseil. Donc, je vais commencer, puisque je suis assez frustré de ne pas avoir commencé ce soir, donc je vais commencer sur les conseils. Juste avant le confinement, il y avait eu annoncé une sortie en Belgique, qui était la sortie du film de Cantemir Balagov, Une grande fille, et qui a été repoussée et qui est sortie à mi-août, je pense, en Belgique. Donc je suis allé voir le film de Cantemir Balagov, le réalisateur de Tess Nota. Donc le film s'appelle Une grande fille. Il a eu le prix de la mise en scène à Un certain regard il y a 2 ans. Et c'est en fait quand Emir Balagov dans ce film-là concrétise un peu les promesses de son premier film, je pense. C'est-à-dire qu'il se révèle être un excellent directeur d'acteur et en fait ici d'actrice plutôt. C'est un film qui se passe en ex-URSS juste après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, à travers 2 personnages très très forts et très très écrits, on va avoir le traumatisme incarné de manière le traumatisme de la guerre incarné de manière psychologique dans un personnage et de manière physique dans l'autre personnage. Et je trouve que c'est un film qui est très beau et qui, enfin très beau je veux dire à regarder visuellement, qui est très bien construit, assez fort et qui en plus décrit de manière très précise et immersive qu'est-ce que c'est que de vivre en ex-URSS communiste juste après la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a des scènes de vie communautaire et de dans des bâtiments qui sont pas faits pour, qui m'ont rappelé Docteur Jivago de David Lean. Voilà. Avec une actrice principale blonde très singulière et très originale. J'aimais beaucoup l'autre oui, actrice oui, aussi. Moi aussi. Julien, du coup, comme tu m'as pris la parole, je te la cède. C'est un donné pour un rendu. Je vais parler d'un film qui est aussi sorti en Belgique en mois d'août, je pense, qui est le Madre de Rodrigo Sorogoyen, dont vous avez peut-être pu voir El Reino ou Que Dios nos perdone. Excellent polar espagnol. Excellent polar espagnol, me souffle-t-on à l'oreillette. C'est un film dont il avait fait un court-métrage dont le titre est aussi Madre. Et la première scène du long métrage est d'ailleurs là où s'arrête le court métrage. Le film est joué par Marta Nieto et Jules Porrier principalement. Et je trouve que s'il y a une mise en scène parfois un peu trop lisible dans justement les relations entre les deux personnages, sur les mois de la rencontre, sur l'ambiguïté, le trouble entre ces deux protagonistes et sur le transfert affectif que peut donner la perte d'un enfant et le deuil étrange, mystérieux que ressent cette actrice principale qui s'amourache donc d'un enfant de 20 ans de moins qu'elle. C'est plutôt un ado. C'est un adolescent qui a 14, 15 ans, peut-être 12. Est-ce qu'on est au niveau de Mort à Venise ou c'est moins moins ambivalent que ça? C'est pas si ambivalent, si, Mort à Venise. Si, c'est ça. C'est très ambivalent, mais justement, pour le coup, c'est toujours dans la délicatesse et dans le trouble entre l'affection un peu trop prononcée et la sexualité qui pourrait avoir envie, mais ça ne dépasse justement jamais le... Enfin, ça va jamais lorgner vers le too much, le vulgaire et le scabreux, loin de là. C'est un film qui a été un peu sacrifié, hein, je crois, en France aussi, après le Covid, malheureusement, et donc du coup qui est passé complètement sous le radar, alors que El Reino avait été un beau succès, donc c'est un peu dommage pour Sorogoyen, mais on est sûr que, enfin, en tout cas, on espère que le film pourra avoir de la lumière un peu plus tard. D'autant plus que c'était un film qui était tourné entre l'Espagne et la France, et qui aurait eu une possibilité d'avoir une exposition un peu plus forte que les précédents films de Sorogoyen. En tout cas, c'est vrai que cette double nationalité, en tout cas, fonctionne très bien et trouve son sens dans le film entre cette femme qui est espagnole de base et qui revient en France. Et la double nationalité trouve tout son sens dans le film et c'est assez judicieux comme choix. Lucien, j'ai vu dernièrement, plus ou moins, les rushs du film qu'a fait Schroeder sur Bukowski, et je ne parle pas de Barfly, je parle de son docu. Et les rushs, fatalement, sont beaucoup plus amples. Il y a beaucoup plus de matière. Et quand quelqu'un de très intelligent parle avec un génie, fatalement, c'est passionnant. Donc, c'est Bukowski tape, c'est ça dont C'est ça, parlais. Exactement. Et tu as vu ça où, Lucien? J'ai trouvé les rushs sur Internet. Voilà. Moi, je l'ai en DVD, vous pouvez passer à la maison. Ça dure combien de temps? C'est 4 heures d'entretien entre Schroeder et Bukowski, où on passe un peu par pas mal de... Détails éthyliques Détails éthyliques, même de disputes et d'amour. Enfin, c'est du Bukowski, quoi. Alors, Manu. Et moi, ça ne sera pas un conseil. Je vais botter un peu en touche. Ça restera dans le domaine du documentaire. Ça sera plutôt un teasing, je pense, pour la prochaine émission de transmission. J'ai eu l'occasion de voir en avant-première Un pays qui se tient sage, un film de David Dufresne qui va sortir fin septembre, début octobre chez nous, qui est consacré... principalement au mouvement des Gilets jaunes, mais plus largement à la notion du maintien de l'ordre. Donc, je vais juste vous conseiller de voir Un pays qui se tient sage quand il sort en septembre. Et d'ici là, je pense que quand le film sortira, on va enregistrer une émission relativement assez rapidement ensemble pour en discuter. Absolument. Est-ce que Manu, est-ce que le film est beau comme un pavé dans la gueule d'un flic ? David Dufresne, journaliste donc, mais aussi auteur de documentaires et qui avait notamment réalisé un web documentaire très intéressant qui s'appelait Prison Valley, je pense que ça devait être il y a 5-6 ans. Ok, merci messieurs pour cette belle émission. On est content de se revoir, on est content de retourner au cinéma, on espère qu'il y a des chouettes films qui vont sortir. On a vu les images du Fincher cette semaine, on espère qu'on verra le Fincher bientôt, je crois, même avant la fin de l'année. Et ce qui fait chier, c'est quand même que Fincher va se positionner sur Netflix et pas en salle. Et effectivement, là, ça sera encore plus... Mais est-ce que le Fincher ne sortira pas en salle par chez nous ? En tout cas, la lumière a l'air de rien avoir à envier à Roma de Cuarón. Très bien, merci messieurs. Donc voilà, on espère d'autres beaux films d'ici la fin de l'année. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir retrouvés. On vous aime. Likez-nous, vous aussi, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Sur Tinder aussi. sur Tinder. vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao, ciao.